Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui une humoriste belge pour la première fois dans ce podcast, Cérine Ayari. Hello. Salut Cérine, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh bah oui, il y a plein de choses hein, qui se passent. Mais je crois que le plus dur, c'est quand tu fais des vannes et que pour toi elles sont marrantes, mais que... Le public valide pas, quoi. Que le public valide pas. Ou bien que juste ils ne comprennent pas les références. Ouais. Moi je me rappelle une fois, j'étais en train de jouer et je disais que j'étais arabe mais pas halal. Et une femme à côté de moi, elle bouche les oreilles de son fils. Ah oui, parce qu'elle s'attendait à avoir une horreur. Non, mais et j'étais là, mais madame, vous savez ce que c'est quoi là? Elle fait, bah oui, ça veut dire que votre père ne vous a pas encore égorgé. Oulala. Et c'est là où j'étais, ah ouais, ok, donc il y a des gens qui savent même pas encore c'est quoi halal, ouais, et qui, allez, qui croient que pour eux halal, bah, c'est la viande. Non, bah ouais, c'est incroyable. Elle est partie loin quand même. Hein. Elle est partie très très loin. Et là, je crois que c'était une des premières fois où j'ai quand même eu un silence de 10 secondes, ouais. Ce qui est énorme sur scène, juste parce que j'étais tellement choquée par ce qu'il disait, je savais pas quoi répondre. Ah mais j'avoue, 10 secondes sur scène de silence, c'est l'équivalent de 5 ans dans la vie. Exactement, c'est vraiment ça. Oh là là. Donc, ouais. Et du coup, t'as pu les rattraper après? Non. Ah, non. C'était mort? Il me restait encore 20 minutes à faire. Oh là là là. Ouais, je devais faire un 30 minutes, il me restait encore 20 minutes, et j'ai eu 20 minutes de silence. Où j'étais juste en train de faire mes vannes. Tu survivais, quoi. Je survivais, ouais. Oh, ouais. Mais écoute, et je crois que j'ai arrêté à 27 minutes. Ouais. Parce que j'arrivais plus. J'ai terminé plus tôt parce que j'étais là. Non, mais en fait, faut que j'arrête, ça fait trop mal. Là. Oh là là. Bah écoute, vraiment, je compatis, t'inquiète pas, ça nous est déjà tous arrivé. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bah, principalement sur Instagram, ouais. Cérine.ayari, A-Y-A-R-I. D'accord. Et sinon, il y a aussi Facebook et voilà. Ok, bah avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.